Assis sur le parterre fleuri du village endormi, les fronts laissent tomber une à une des gouttes d'eau. Ils se détendent d'avoir tordu de vieilles cordes. Assis sous le bonheur entrouvert du paravent du Mistral, les bouches désaltèrent de sourires. Elles se forment aux pliures des herbes sauvages. Assis sur cette roche, de vieux paysans à l'ombre de vieux chênes, les yeux touchent la brise venant du sud des Alizés. Ils fonderont aux alluvions de la rivière. Assis, les corps se dressent alors dans l'espace. Les jambes font un pas en avant, une libellule passe. Le vieux chien les emmène au terrier des amours enfuis. La glaise colle à leurs bottes. Ils tiennent fermement leurs bâtons dans leurs doigts, prennent le chemin des dames à l'ouest de l'estuaire. Ils ont rempli leur journée de fatigue partagée. Il ne reste qu'à aller voir le potager.